Chapitre 4. Le lendemain, les enquêtes lancées commencèrent à apporter leurs premiers éléments. Maryse, la copine de Marie, fondit en larmes quand elle apprit le décès de sa camarade. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Je l'ai attendu jusqu'à minuit et commençais à me faire du souci. Je me suis rhabillé et suis retourné à l'hôtel. On m'a dit qu'elle était partie à l'heure habituelle. Tout de même, elle aurait pu me prévenir. Enfin, si elle est morte, elle ne pouvait pas. J'ai voulu téléphoner à ses parents, mais c'est tout un pataquès pour les joindre. Moi, j'ai pas le téléphone, eux non plus. Alors il faut que j'aille à la cabine, que je réveille des voisins, enfin tout un bins, quoi. Mais maintenant, je me dis que j'aurais dû me remuer. Ne regrettez rien, lui dit l'enquêteur. Je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose, à part affoler les parents. Comment était-elle habillée hier? Elle portait une chemisette blanche et un pantalon bleu ciel. L'enquêteur montra la photo de Marie prise lorsqu'on l'avait découverte. Marie s'exclama. « Mais ce n'est pas elle. Marie n'est pas comme ça. Que voulez-vous dire par là ?»« Cette fille ne lui ressemble pas. Marie ne s'est jamais maquillée de cette façon. D'ailleurs, c'est bien simple, elle ne se maquillait jamais. »« Regardez mieux, » insista le policier. « Je vous assure que... »« Ah oui, je reconnais son menton, » dit Maryse, pensive. « Et puis son nez aussi. Mais pourquoi est-elle maquillée comme ça ?» C'est justement ce que nous cherchons, mademoiselle. Au grand dam de la direction, le policier zélé parvint même à interroger les clients dont la chambre donnait sur l'entrée de l'hôtel. Après moult palabres en franglais et langage des signes, un brave gentleman finit par se souvenir qu'à l'heure du départ de Marie, vers 11h30, il avait effectivement vu de sa fenêtre une fille quitter l'hôtel. Sa description correspondait bien à Marie. Il avait vu la jeune fille parler à la portière d'une voiture, puis monter dans le véhicule, ou dont il était incapable de donner une description précise. Trou noir, pas éclairé. Voiture grise, peut-être. Avec la pluie, difficile de voir. Il était vrai qu'il avait plu pendant plusieurs heures la veille au soir. Mais la forme? Vous ne pouvez rien me dire sur la forme? Grande, petite? Non. Seulement, je remarquais que lumière en l'air, pas en bas, à l'arrière. Lumière en l'air? Yes. Lumière sur voiture, pas en bas, mais en l'air. « En haut, you understand ?»« Ah, je vois !» s'exclama l'enquêteur. « C'était un taxi. »« Non, non, je connais taxi. »« Taxi lumière blanche on the top, avec marqué taxi. » dit l'anglais avec force geste. « Non, les lumières sont à l'arrière, en haut. » Donc, Marie était bien montée sous la pluie dans une voiture de forme, de marque et de couleur indéfinie, mais avec des lumières en haut à l'arrière. Maigre indice en apparence, mais la brigade en avait vu d'autres. L'enquêteur aurait bien continué à cuisiner l'anglais, qui semblait être de bonne composition, mais le directeur de l'hôtel vint lui signifier qu'il fallait cesser d'importuner les clients. Ce pauvre directeur n'était d'ailleurs pas au bout de ses peines, car l'enquêteur tomba nez à nez avec Maryse qui venait de prendre son service. Aussitôt, il l'entreprit. « Dites, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, est-ce que Marie avait un petit ami, un copain, un flirt ou un amant ?» « Risque pas. Les garçons, c'était pas son truc. Et le mien non plus, d'ailleurs. »« Ah, alors toutes les deux, vous... »« Non plus. Vous êtes aussi tordus que les autres, vous. Les garçons, ça nous intéresse pas, c'est tout. C'est pas un crime, non ? » ?»« Un jour, peut-être, je ne dis pas. Mais maintenant, elle et moi, on n'allait pas s'embarrasser d'un mec. »« Est-ce qu'un voisin, un parent, je ne sais pas, quelqu'un dans son entourage, possède une voiture grise ?»« Un témoin l'a vu monter dans un véhicule devant l'hôtel quand elle a quitté son service. » « Non, je ne vois pas. Elle ne s'était jamais fait accompagner en voiture. C'est peut-être parce qu'il pleuvait. » Ces éléments venaient confirmer le scénario imaginé par Bolpi et le docteur Charles. Marie avait été emmenée en voiture par une personne qu'elle devait connaître et qui ne l'avait pas violentée. Elle avait dû être anesthésiée, puis maquillée outrageusement, pour enfin être abandonnée au bord de la route, non loin de chez elle. Était-ce vraiment un crime ou un accident ? Le meurtrier avait-il l'intention délibérée de tuer la gamine ou désirait-il simplement s'en amuser? Et puis les choses avaient dérapé. Au moment où il comptait la violer, il s'est aperçu qu'elle était morte, proposa Michaud. Alors il s'en est débarrassé vite fait. Qu'est-ce que t'en penses, Gino? C'est possible. Mais pourquoi l'avoir laissée au bord de la route, bien en vue? Il y avait un moulon d'endroit où il aurait pu cacher son corps. On dirait au contraire qu'il voulait nous la montrer. Plutôt nous la faire admirer, tu ne trouves pas? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Volpi décida d'aller visiter les parents pour leur rendre compte de l'avancée de l'enquête. C'était bien le moins qu'on pût faire pour eux. Il y alla seul, pour perturber le moins possible le couplet pleuré. Ils furent impressionnés que le commissaire en personne se soit déplacé et soulagés d'apprendre que leur fille n'avait été ni violée ni violentée. En revanche, à l'annonce du meurtre par empoisonnement, ils poussèrent les hauts cris et Volpi eut toutes les peines du monde à les calmer. Le meurtrier ne voulait peut-être pas la tuer. Il a du mal à calculer la dose et votre fille en est morte, dit-il pour tenter d'amoindrir son propos. N'en reste pas moins que c'est un assassinat, gueula le père. « Évidemment, monsieur Morel. Nous avons une piste, mais il faudrait que vous nous aidiez. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage possède une voiture grise? Quelqu'un dont Marie ne se serait pas méfiée parce qu'elle le connaissait? N'oubliez pas qu'il pleuvait assez fort hier soir. » Les parents se regardèrent, chacun cherchant la réponse dans les yeux de l'autre, mais ne trouvaient rien à répondre. Marie n'était pas du genre à monter avec n'importe qui, et surtout pas avec un homme. Ça, j'en suis certaine, affirma la mère. Il fallait absolument que l'enquête avançât, et Volpi insista. Un témoin a pourtant vu votre fille monter dans un véhicule dont il n'a pu préciser la forme ni la couleur. Peut-être dans les gris, mais ce n'est pas certain. Vous ne voyez pas? Non, personne qu'on connaisse. Vous savez, nous ne sommes pas du coin. Nous n'habitons ici que depuis que mon mari a pris sa retraite de l'armée. Marie ne fréquentait personne, à part son amie Maryse. Elle ne sait rien, elle non plus, précisa Volpi. Ce véhicule aurait des farrières situées en haut, près du toit. Le témoin est formel. Le père Morel se leva précipitamment et se mit à tourner autour de la table. Il réfléchit, précisa son épouse. Morel se rassit enfin et posa les coudes sur la table, la tête dans les mains. Des feux à l'arrière et en haut, on en trouve sur des fourgons. « Ou des fourgonnettes, » dit-il sentencieusement. « Ah, ce n'est pas si bête comme idée, » s'exclama Volpi. Mais aussitôt au coup de menton qu'avait donné Morel, il comprit que l'homme n'entendait pas la litote. Pour se rattraper, il dit aussitôt. « C'est une excellente idée, monsieur Morel. Vous êtes très perspicace. » Le père Morel ne connaissait pas non plus le sens de l'adjectif, mais ne releva pas la phrase de Volpi. Ce dernier jugea qu'il fallait prendre une pause. « J'aurai besoin de visiter sa chambre, » demanda-t-il. « Faites, monsieur le commissaire, c'est la porte à gauche. Mais s'il vous plaît, respectez le lieu. »« Ne vous inquiétez pas, je ne toucherai pratiquement à rien. » Bien que petite, la chambre était très lumineuse avec ses murs blancs. Le mobilier en était presque monacal. Un petit lit, une armoire et un secrétaire commode en contreplaqué rustique des Trois Helvétiques, certainement. Et c'était tout. Pas de table de nuit, ni de lampe de chevet. Dans un coin étaient suspendues trois marionnettes. L'une d'elles intrigua Volpi. C'était un polichinelle laid, comme il n'est pas permis, et il se souvint que tout petit, son parrain l'avait amené à une représentation. Dès son apparition, ce personnage l'avait fait fuir à grandes enjambées, et son parrain avait toutes les peines du monde à le rattraper. Pour Gino, le polichinelle représentait le mal, l'injustice, la laideur, la violence, tout ce dont il avait toujours eu horreur. Peut-être était-ce Polichinelle qui avait orienté sa carrière. L'absence de table de chevet et de lampe semblait prouver que Marie ne lisait pas et devait tomber comme une souche dans son lit dès sa journée finie. La penderie de l'armoire était loin d'être pleine, une robe, un manteau et deux pantalons. Deux paires de chaussures reposaient sur l'étagère du bas. Quant à l'autre meuble, la partie secrétaire était vide et les trois tiroirs ne renfermaient que quelques rares linges de corps. « Mon Dieu !» m'engria Volpi. « Quelle vie !» Il fut pris soudain d'une extrême commisération pour cette gamine dont l'existence se résumait à pas grand-chose et qui n'avait jamais dû connaître une once de bonheur. Plein d'amertume, il réintégra la pièce principale. « Madame Morel, que faisait votre fille quand elle ne travaillait pas ?»« Elle m'aidait pour la maison, allait chercher le journal, les cigarettes pour son père en vélo. Et puis elle rêvassait toujours plus ou moins. »« Tu m'étonnes, » pensa Volpi. « Peut-être que contrairement à ce que tout le monde croyait, Marie avait saisi la première occasion qui lui permettait de foutre le camp de ce mouroir. Le père Morel réattaqua sur les véhicules suspects. « Des véhicules comme ça, reprit-il, il y en a des tas dans la région, surtout à la campagne. Il y en a peut-être un chez les Ginoux, qui sait » dit-il plein de sous-entendus. « J'irai vérifier, monsieur Morel, soyez-en sûr. Votre fille serait donc montée avec un homme de chez Ginoux, vous croyez ?»« Sûrement pas, » affirma madame Morel. Même si elle avait dû se tremper comme une soupe. Volpi ne croyait pas un seul instant les mâles de la ferme Ginou responsables en quoi que ce fût de la mort de la jeune fille. Néanmoins, il décida de passer les voir, ne serait-ce que pour leur annoncer que personne n'était soupçonné. Il était seul, mais pensait ne pas rencontrer de problème. Lorsqu'il descendit de la 403 dans la cour de la ferme, Volpi sentit tout de suite une tension inhabituelle. Il possédait pour cela une espèce de sixième sens qui lui permettait, tel un animal, de percevoir les ondes négatives ou positives d'un lieu, le climat psychologique d'un groupe et bien sûr le danger d'une situation. Cette faculté lui avait d'ailleurs sauvé la vie en Algérie lors de son service militaire en lui permettant d'échapper à 3 attentats. Il avait acquis le surnom de renard, tant à cause de ce pouvoir que de son nom, Volpi étant le pluriel de Volpe, signifiant renard en italien. Aucun chant, sifflement ou interjection n'animait l'échafaudage, et ce silence n'était pas attribué à la chaleur. Victor Ginou se porta au-devant du commissaire, la main tendue. « Tiens, remarqua Volpi, il s'est radouci à mon endroit. « Monsieur Ginou, je vois que vous avez un problème, » affirma le commissaire. « Oui, enfin, pas moi précisément. Un des ouvriers est parti depuis plus d'une heure et il n'est pas revenu. Les autres commencent à se faire du souci. » Mais vous devriez aussi vous en faire du souci. Vous êtes responsable des hommes que vous employez. Responsable, responsable, je ne peux tout de même pas les attacher. Volpi se dirigea vers l'aile en réflexion et interpella le chef d'équipe. Oh, Sandro, che cosa è? Giù di lì, descend. Le Sandro en question emprunta l'échelle et expliqua en italien que Guido, un de ses cousins, était parti précipitamment en disant à son collègue qu'il revenait tout de suite. Mais cela faisait plus d'une heure qu'il n'avait pas reparu. Le cousin se prénommait comme le fils disparu de Volpi, ce qui, à ses yeux, lui conféra une importance particulière. « Amène-moi son copain, » ordonna Volpi. Ce dernier fut immédiatement questionné en italien. Il t'a dit pourquoi il partait? Il avait vu quelque chose et il voulait vérifier. Il a sauté en bas de l'échafaudage. Par où est-il parti? Par là, vers les bosquets, au bout du champ. Après, je ne l'ai plus vu. Il fallait voir, le chercher, descendez tous, on va chercher Guido, il est peut-être arrivé malheur. Santa Madonna, murmura Sandro, sa mère va me tuer. Allez, avanti, venez tous, déplez-vous en tirailleur vers les bosquets et ouvrez les yeux. Cette injonction ne fut pas du goût de Ginou, mais il n'osa s'opposer à ce mouvement spontané auquel les hommes participaient de bonne grâce, soucieux de retrouver leurs compatriotes et parents. Ce fut Volpi qui découvrit le corps en lisière du bosquet derrière lequel se trouvait la route. Guido était étendu, torse nu, face contre terre. Sa tête n'était plus qu'un amas rougeâtre. Volpi se pencha et constata immédiatement que le pauvre venait de trépasser, le crâne fracassé. « Je l'ai trouvé !» s'exclama-t-il. « Par ici !» Les ouvriers se repérèrent d'après la voix et furent bientôt tous là. « Restez à l'écart. Ne marchez pas autour du corps. Il pourrait y avoir des indices. » « Je vais téléphoner pour les secours. » Il ne voulut pas leur annoncer immédiatement que pour Guido tout était fini. Il revint vers la 403, faisant tressauter le véhicule dans le champ d'herbe fanée. « Voilà, c'est fait. Je préfère avoir la voiture à côté, au cas où on m'appellerait. » Puis il se remit à décrire des cercles concentriques en partant du corps. La terre était sèche, l'herbe aussi, et il était improbable de trouver une empreinte ou une trace quelconque. Néanmoins, à quelques mètres du corps, Volpi découvrit une pierre de belle taille couverte de sang. « Voilà l'arme du crime » cria-t-il à l'adresse des autres. « Le crime ?» s'alarma Sandro. « Et pourquoi » continua-t-il au bord des larmes. « Il n'a rien fait, Guido !» Volpi ne trouva rien à répondre et Sandro réfléchit. « Il est mort, alors ?»« Bah oui, il est mort, le pauvre. »« Regarde avec quoi, on lui a écrabouillé la tête !» répondit Volpi en montrant la pierre qu'il tenait avec un mouchoir. « Mais pourquoi ? Dio cane ! » se mit à gueuler Sandro. « On va trouver, ne t'énerve pas. » Sandro, se sentant responsable du groupe, songeait déjà à la somme d'emmerdement à laquelle il allait devoir faire face. Il faudrait rapatrier le corps, participer à l'enquête, annoncer la mort de Guido à sa femme, à sa mère. Le village de Paesana serait endeuillé à jamais, et la France, qui leur apparaissait jusque-là comme un Eldorado, deviendrait un pays de sauvages où on risque la mort n'importe quand. Repassant devant lui, Volpi, qui avait senti ses affres, lui posa la main sur l'épaule et lui glissa. « Ne t'inquiète pas, je me charge de tout. On demandera le rapatriement du corps au consulat. Et pour la plainte, je m'en charge aussi. » Grazie, murmura Sandro en posant sa main sur celle de Volpi. Les trois ouvriers restants s'étaient regroupés à l'écart, un peu comme des animaux craintifs. La mort de leurs camarades les avait très fortement impressionnés. Ils craignaient pour leur vie car, après tout, l'assassin pensait peut-être que d'autres que Guido avaient vu quelque chose. Allait-il les dégrouper les uns après les autres? En continuant à fouiner, Volpi découvrit une boucle en fer, de celles qui servent au réglage des sangles ou des bretelles. Apparemment neuve, elle avait dû être perdue depuis peu. Volpi remarqua les mêmes boucles à la salopée de Sandro, il ne s'était donc pas trompé. Mais Guido était torse nu. Il s'était peut-être battu avec son agresseur et celui-ci avait perdu la boucle dans l'empoignade. Sur ces entrefaites, les secours arrivèrent, amenés par Michaud. Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu? Volpi, d'un mouvement de menton, indiqua la direction du cadavre. « Va voir, c'est pas beau. Demande qu'on recherche des traces de lutte sur le corps de la victime. » Puis il rejoignit les trois maçons à l'écart. « Qui était avec lui quand il est parti ?»« Moi, » répondit l'un d'eux. Il m'a dit « Cazzo, aspetta un minuto. Io torno subito. » Et il est descendu. « Et toi, tu as vu quelque chose ?»« Non, rien et je n'ai pas compris ce qu'il lui avait pris. »« C'est un pays de sauvages ici, » ajouta-t-il. « On viole les gamines, on casse la tête des gens. » Jamais plus je remettrai les pieds dans ce bordel. » Volpi sentit que dans le groupe, l'abattement faisait place à la colère. Là-dessus, bien mal inspiré, Victor Ginoux vint admonester les ouvriers. « Je vous préviens, si vous ne terminez pas le chantier, je ne vous donne pas votre semaine et je ne vous paye pas le billet de retour. »« On va écraser ta sale gueule de serpent. Va, fanculo, figlio di cagna !» éructa l'un d'eux. Les autres suivirent avec une bordée d'injures plus haineuses les unes que les autres. Les gardiens eurent toutes les peines du monde à éviter un affrontement sanglant. Volpi alla chercher un sac en plastique où il glissa la pierre et la boucle. « Tiens, » dit-il en tendant le sac à Michaud, « c'est tout ce que j'ai. » Puis il grimpa jusqu'en haut de l'échafaudage et scruta la vue qu'on avait de là. On apercevait toute la cour de la ferme, le chemin d'accès en terre, une partie de la route goudronnée, et les deux autres bâtiments de la ferme. En se tournant, on pouvait voir, au bout du champ en friche, le bosquet où était mort Guido, et derrière, on apercevait un bout de chemin de terre qui conduisait à la route. Un scénario simple s'imposa alors à Volpi. Guido avait vu quelqu'un faire quelque chose de pas clair, puis s'enfuir vers le bosquet et la route derrière. S'apercevant qu'elle avait été vue, la personne avait dû se cacher dans le bosquet attendant que la voie soit libre. Mais Guido l'avait découverte, lutte, bretelle arrachée, et coup de pavas sur la tête pour en finir et s'échapper. L'agresseur devait posséder un véhicule qu'il avait caché derrière le bosquet. « Tu n'as pas entendu un bruit de moteur ?» demanda Volpi au copain de Guido. « Niente. Avec le bruit de la bétonnière et le marteau-piqueur, on n'entend rien. » « Il n'y avait pas une voiture sur la route ?»« Non. Et puis, si elle est partie par le haut d'ici, on ne voit plus le reste de la route. » C'était exact et extraordinaire qu'avec autant de monde dans le coin, l'assassin ait réussi à se carapater. « Porca miseria, c'est pas possible, c'est un fantôme !» murmura Volpi pour lui-même. Il remarqua que le véhicule de la ferme était une camionnette bâchée Renault Galion, au museau écrasé et aux yeux globuleux. Les feux arrière et la plaque minéralogique étaient implantés près du pare-choc. Pas de lumière en haut, donc. Il redescendit de l'échafaudage. Le calme était revenu, mais les mines basses disaient assez la peine et la colère qui régnaient désormais dans la ferme.